À 19h30 à CKRL 89.1. Bonsoir, chers amateurs de rock progressif et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, on a beaucoup de nouveautés tout au long de l'émission ce soir. Du bon rock progressif mur à mur, comme on dit. Alors, on va débuter d'ailleurs avec, dans le premier bloc... j'ai reçu mon numéro 94 du magazine Progressiste, qui est un magazine belge. C'est plus de quoi 120 pages. Il y a des chroniques, évidemment, de disques. Il y a des entrevues. On parle d'albums événements. Un des albums événements, moi, ça a été finalement une de mes pièces coup de cœur, là, qui est sur la compilation là, des indispensables qui vient avec ce magazine-là. Francis Decamps. Francis Decamps, qui fait partie de Ange, là, qui a 50 ans de carrière, qui est le claviériste également, qui était chanteur aussi dans Ange. Il a fait un projet, réalisé un projet sur la composition du compositeur tchèque Antonín Dvořák, et c'est la Symphonie du Nouveau Monde. Et il reprend ça là, à la façon progressive, c'est instrumental, puis c'est vraiment superbe. C'est autoproduit, là, ça fait pas longtemps que c'est sorti, évidemment. C'est une belle découverte là, qu'on fait grâce à la Progressiste. On parle également de Lunatic Soul, on parle de Perfect Circle, Pineapple Thief, Dissolution, le nouveau Riverside aussi, qui est chroniqué. Le nouveau de Sea Within, avec Ryan Stolt et Marco Minman, Jonas Ringgold. Et ça aussi, bon, on avait chroniqué déjà sur le site de Terra Incognita. D'ailleurs, allez faire un tour sur notre site pour avoir les détails là, de ce qui s'en vient des événements. On parlera évidemment du festival Terra Incognita là, qui aura en 2019. On aura un petit bloc tantôt avec deux groupes là, qui seront de l'édition 2019 de Terra Incognita. On parlera également bon, des spectacles à venir. Donc, Francis Decamps, on découvrira... une pièce là, qui est sur cette compilation de progressistes, c'est la pièce Mouvement de fraternité. On aura également de l'Italie, Dahl, en fait, c'est Davide Guidoni et Alfio Costa. Donc Davide, c'est le claviériste, Alfio Costa à la batterie. Ils sont accompagnés sur ça d'un guitariste et d'un bassiste. Et ils ont fait deux albums là, qui viennent de sortir. Le premier, c'est Decalogue of Darkness. Et le deuxième, Navels Falling into a Living Origami. Celui-là, c'est une pièce de 49 minutes. Et l'autre, c'est 10 pièces, là, 10 chapitres. On écoutera le chapitre 1 de Decalogue of Darkness. Si vous aimez là, des groupes comme l'Albero Del Veneno. Vous allez adorer. Là, il y a beaucoup de Mellotron sur ça, puis c'est très bon. Et pour débuter l'émission, on aura donc Gongfly, Richard Schoblum, vous le connaissez bien. Gongfly, c'est finalement, ça roule pas mal. Ça fait 2 ans, là, le plus récent. C'est tout à fait dans la continuité là, du plus récent, puis de l'autre d'avant. Donc Gongfly, celui-ci s'intitule Friendship. Et ben, finalement, c'est le 5e album là, pour Gongfly. Encore, ben, il parle beaucoup d'amitié, donc les textes sont assez personnels. Il parle beaucoup de relations. Et c'est tout à fait dans les mêmes eaux, comme je le disais. On écoutera la pièce Ghost of Vanity de Richard Schoblum. I never wanted this game. It's not for me. Look into my eyes. Can't you see that I don't want no part in this? I want no part in this. I never wanna go. This game is not. Thank you. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, L'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animées par des spécialistes et des passionnés. Jean-François Artaud et Luc Ferland analysent et échangent sur de grands dossiers actuels de la politique municipale, provinciale et fédérale. Accès pouvoir, le jeudi, 9h. Et de retour avec Bruno et Marc, c'est l'émission Terrain Incognita. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était une formation italienne DAAL, D-A-A-L, pour Davide Guidoni et Alfio Costa. C'est tiré du nouvel album qui vient tout juste de sortir, Decalogue of Darkness. Un décalogue étant les 10 commandements. Alors, les 10 commandements des ténèbres. Et, mais comme je le disais, ils ont fait aussi un autre album qui vient de paraître en même temps, le Navels Falling into a Living Origami, qui est une seule pièce de 49 minutes. Alors, mais ce qu'on a entendu, c'est sur le décalogue et c'est le chapitre 1. Juste avant, donc, une pièce qui mélangeait le classique et le rock, Francis Descamps, qui est un des membres cofondateurs de Ange, un groupe français, et son nouvel album The Gift, variation autour de la symphonie du Nouveau Monde de Antonin Dvorak. Et ce qu'on a entendu, bien, c'était fourni avec la compilation qui vient avec le magazine Progressiste numéro 94, et c'était la pièce Mouvement de fraternité. On avait débuté avec Gangfly, qui c'est le projet de Richard Schoblum, et son nouvel album Friendship, la pièce Ghost of Vanity. On vous parlait de spectacles à venir. Il y a encore beaucoup de spectacles. C'est sûr que là, la fin d'année approche. Le spectacle de Gang le 23 novembre a été annulé, malheureusement. Il y a quand même des bons spectacles. Moi, je vais voir le 18 décembre Kark Watson, qui est Karkois, un groupe de québécois avec Patrick Watson. Je ne sais pas si vous aimez ça. Là, c'est pas tout à fait du prog, là, mais pour les amateurs de musique qui sort de l'ordinaire, c'est intéressant. Il y a finalement en début d'année, le 4 janvier, The Musical Box au Grand Théâtre, hein, évidemment, qui interprète de façon magistrale Genesis de la Belle Époque. Le 2 février, un hommage à Marillion et Rush, là, avec Camera High et Childhood's Hen à Jean-Paul Tardy. Le 19 février, il y a Neil Morse Band à la salle Sylvain Le Lièvre. Le 25 février à Montréal. Le 23 février, il y a le Mick Pointer's Band au Cégep Garneau qui font Script for a Jester's Tear de Marillion. Finalement, et j'espère que ça va fonctionner pour cette fois-là, puisque ça avait pas fonctionné l'autre fois. Là. Ça avait dû être remis, finalement. Ensuite, au mois de mars. Il y a le 26 février, Alan Parsons qui va être au Grand Théâtre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au mois de mars, il y a le 1er mars, The Flower Kings. Et le 30 mars, Arena. Ensuite, le 7 avril, il y a Red Sand au Centre d'art La Chapelle. Et au mois de mai, réservez vos sous, là, parce qu'au mois de mai, il y a les 17, 18 et 19 mai prochains, le Festival Terrain Incognita. Et donc, pour ouvrir chacun des trois jours, il y a ES Project. On en parle d'ailleurs, il y a une entrevue super intéressante quand même dans le magazine Progressiste 94. Une entrevue avec Ivan Santovito et lui et la chanteuse Ilenia Salvemeni. Les deux ont les initiales IS. Au début, ils voulaient faire ISIS, ça aurait fait ISIS. Là, ils ont fait oups, non, ça ne fonctionnera pas. On va juste y aller avec IS, IS Project. Donc, il en parle justement dans ça, là, qu'il préparait là, des spectacles en duo. Et c'est ce qu'ils nous présenteront à Terrain Incognita en mai 2019 pour ouvrir chacune des trois jours. La première soirée, donc le vendredi, il y a Oak de la Norvège et Bjørn Riis. De la Norvège aussi. Ensuite, le lendemain, il y a Basta de l'Italie Is des États-Unis et Airbag de la Norvège. Donc, des groupes d'aujourd'hui, des découvertes, une journée complète. Chacun des spectacles est un spectacle complet, là. C'est pas des premières parties. Et le dimanche, il y a IS Project, Inner Space de Montréal, Fido des États-Unis et Finistère. Alors, tout ça, c'est un super festival, hein. C'est la 15e édition du Festival Terra Incognita en mai prochain. Alors, on y va en musique avec une nouveauté. C'est un membre fondateur de Anglagard, donc c'est des Suédois. On y va avec ces super Suédois. Et All Traps on Earth, c'est le nom du groupe, donc un projet de Johan Brand. Et l'album, c'est A Drop of Light. Ça vient tout juste de sortir. C'est hier, officiellement, là, que l'album paraissait. Et ben, on a l'impression d'être dans un album de Anglagard, là, surtout le plus récent, celui qui était paru en 2012. Je trouve, en tout cas, c'est un classique contemporain amené à la sauce rock progressif, évidemment. Il y a beaucoup d'invités sur ça, dont un superbe musicien qui fait la flûte, là. Et ben il y a des invités aussi à la clarinette, baryton, ténor, la flûte de concert, tout ça. Alors c'est vraiment, si vous êtes un fan d'Anglagard, vous allez aimer All Traps on Earth. Donc sur les ondes de CKRL, on ira avec la pièce Magmatic Warning, et ce sera suivi de Marble House, une nouvelle formation italienne, et la pièce To Make Ends Meet. On y va tout de suite avec All Traps on Earth. Thank you.

Le 26 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle, lundi le 26 novembre. Au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio. Pneu Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400 $ au meilleur centre de pneus à Limoilou. À compter du 12 novembre, écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 23 novembre. Pneu Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 88-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneubazar.com. Chez Pneu Bazar, on prend soin de vous. De retour, et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était la formation italienne des jeunes, une nouvelle formation, c'est leur premier disque, Marble House, et c'était tiré de l'album Embers, la pièce To Make Ends Meet. Et juste avant, la longue pièce là, qui était mélange de classique et de rock progressif, All Traps on Earth, c'est le nouveau projet de musiciens d'Angle la Garde, dont John Brand qui a fondé ce projet-là et qui a composé ces pièces-là avec l'aide de ses compères et comparses et de Angle la Garde, Drop of Light, leur nouvel album, c'était la pièce Magmatic Warning, oui, de cette formation. On y va maintenant avec une formation de Québec, Universe Effects, c'est leur second album, Desolation. Ils ont fait le lancement là, au début novembre ici à Québec. Et un album qui est beaucoup plus métal que le premier. Et il y a une pièce qui est plus douce, c'est cette pièce-là qu'on écoutera, Fading Light. Disons que le prog metal est moins dans mon style, mais c'est l'excellent musicien, comme on le sait. Ben, il joue ce soir justement là, dans quelques musiciens de cette formation-là, dans Prog Story. Alors, et ensuite, on aura un doublé avec deux groupes qui seront de Terra Incognita, Basta de l'Italie. Basta, j'ai très hâte de les voir. Eux, ils seront là le samedi vers 4h30 environ qu'ils vont jouer. Ensuite, on aura Inner Space, une formation que j'ai bien hâte d'avoir en spectacle aussi. Leur second album, Rise, paru en 2017, on aura la pièce Tree of Life. Mais tout d'abord, Universe Effects. stripped of intent. Growing sorrow, distant lament. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Et nous voilà de retour. Ce qu'on avait entendu juste avant la pause, c'était Inner Space, un groupe de Montréal. C'est leur second album Rise, paru en 2017, la pièce Tree of Life. Inner Space qui seront là, à Terra Incognita en mai prochain. C'est leur, ça sera leur second spectacle à Québec. Là. Et ils seront là, en fait, le 19 mai. Et il y aura également ce Fido et Finistère cette journée-là. Justement, il y avait Basta là, qui sera là le 18 mai. Au Centre d'art La Chapelle avec Is et Airbag et juste avant Universe Effect, justement je l'ai pas mentionné tantôt, mais ils seront au Noël Prog à l'Anti le 16 décembre, Universe Effects avec Illward et Contemplator. Donc ça c'est pas mal proche de nous. Et alors pour le dernier bloc, encore des nouveautés. On ira d'abord avec une formation américaine, OVRFWRD. Ça, c'est le nom du groupe. Over Forward. Moi, en tout cas, j'ai tellement de tendance à ajouter quelques voyelles pour être capable de le prononcer. Et c'est leur album Blurring the Lines, A Democracy Manifest. C'est leur troisième album. Et ils sont de Minneapolis, là, fondé en 2012. Moi, je connaissais pas ce groupe-là. Puis, franchement, c'est pas mal intéressant. On aura la pièce Wretch. Ensuite, de Glasshammer, le nouveau Glasshammer. Ça fait déjà quand même plusieurs fois là, qu'on vous en fait jouer. On reconnaît presque pas Glasshammer dans ça, en lien avec les chanteurs, là, dont Matthew Parmenter et d'autres chanteurs. Et dans cette pièce-là, qui est la pièce Roll for Initiative, il y a vraiment un mélange là, des voix là, en chœur, la façon que c'est arrangé, puis la part du saxophone, là, ça fait tellement différent pour du Glasshammer, moi ça me surprend. Alors pour Glasshammer, je débuterai avec la pièce d'introduction de l'album, une courte pièce là, de Land of Lost Content, donc avec Roll for Initiative. Et également, on va terminer avec un autre bon album là, qui vient de paraître, ça fait pas longtemps, du Royaume-Uni, un projet dans lequel il y a Guy Manning et Marek Arnold là, au saxophone. C'est Damanek, c'est leur deuxième album, In Flight. Et il y a une superbe pièce de Crossing sur ça. Vous allez voir avec les saxophones qu'il y a dans ça, là, on dirait vers la fin. Un peu des clins d'œil, je trouve, à Harmonium dans la période de l'heptade, en tout cas. Vous pourrez constater par vous-même. On va débuter avec Over Forward. Mais ça fera une transition là, jusqu'à l'autoroute, là, puisque Jacques Dulac sera avec vous à minuit. Alors on y va tout de suite en musique avec Over Forward ou OVRFWRD. crazy, but I don't know why. They're all just crazy, they can't quantify. I know what I know, and there's no turning back for me. I gotta find my way back, find my way to you. This message song, the secret's hidden in between the lines. You find your purpose in the grand design. Lost himself in all his miracles, and he's made up his mind, he's gonna leave us behind. Time's a riddle, and time's in loops, the secrets he must find.